Unité 71. Le subjonctif passé. Exercice 1. C'est super qu'il ait gagné la course. 1. Je suis vraiment déçu que vous ne soyez pas prêt. 2. Je ne pense pas qu'elle se soit assez entraînée. 3. C'est dommage que tu ne fasses plus de sport. 4. Tu trouves normal qu'il ait arrêté les compétitions? 5. Ça m'ennuie que vous ayez été éliminé. 6. Il est possible que nous devions abandonner.